Selon Yonhap News de Corée du Sud, les bellicistes sud-coréens se sont mis à la fabrication de 5 satellites de reconnaissance, noyaux du système d'attaque préventive contre le Nord Kichéin, pour leur disposition jusqu'en 2022. Par ailleurs, ils cherchent à acheter à l'Europe des missiles air-sol, éléments du même système dans les 2 ou 3 mois pour les disposer, alors que les États-Unis ont approuvé la vente à la Corée du Sud du récepteur de GPS à usage militaire nécessaire à l'emploi des missiles.